take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Links with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. Hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Be me a black addict. It's how hypnotic the way you move. It's why I wanted to get to you. And I would not lie, baby, you. Boom's how hypnotic. No lie. Tell him about me. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. That's it preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not dig the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. On commence par un homme de 35 ans qui s'est marié avec un hologramme de chanteuse virtuelle. Il a 35 ans, il est au Japon et il s'est marié avec une chanteuse digitale. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Le jeune marié et sa nana ont effectué le mois dernier leur voyage de noces. Mon Dieu qu'il est con. Leur voyage n'a cependant aucune valeur juridique, ni le voyage ni le mariage. Non. Et il a déclaré: je ne l'ai jamais trompée, j'ai toujours été amoureux d'elle, j'ai pensé à elle tous les jours. Ça lui a coûté 2 millions d'yens. Alors, ça vous paraît beaucoup, mais ça fait 15 000 euros. Ah oui. Il a fait une cérémonie de mariage traditionnelle. Aucun membre de sa famille n'était parmi les 40 invités. Écoutez-moi bien, elle était présente, sa femme, sous la forme d'une petite peluche d'une dizaine de centimètres. Le truc que je ne veux pas imaginer, c'est la nuit de noces. Ah, non. Je ne veux pas. Non. Le type avec sa petite peluche. C'est mal ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Non. Chérie, j'espère qu'elle est pas en éponge, elle va doubler de volume. Je ne veux pas imaginer. Deuxième champion du monde, Il nous vient du Kent en Angleterre, il s'appelle Anthony, lui c'est mon champion. Il a été arrêté chez lui par la police, qu'ils l'ont trouvé. Écoutez-moi bien, imaginez la scène, il est par terre, une boîte de bijoux sur la poitrine, entouré de 200 objets de valeur dans sa chambre, des montres, des boucles d'oreilles, des bagues en or. Le gars il s'est réveillé devant les flics, il a dit « Je sais pas d'où ça vient mais je sais pas comment c'est arrivé chez moi ». Il a été arrêté et condamné à 7 ans de prison. Il est fantastique. C'est pas moi qui ai volé tout ça, c'est ma main. Arrêtez-les. En plus, elles ont touché mon kiki toute la nuit. Je porte plainte. Attouchement, balance tes wads. Vas-y. Non, mais c'est bon ça. Allez, on y va, le dernier. Le dernier champion du monde, c'est une championne du monde toute catégorie. Écoutez-moi bien, ce que vous allez entendre est dégueulasse, mais vrai. Elle s'appelle Hilary Duff, elle est très belle. Devenue maman d'une petite fille le 30 octobre dernier, jusque-là tout va bien. Et elle a confié à la presse qu'elle a mangé son placenta après avoir découvert les différents bienfaits pour la santé. Alors écoutez-moi bien, alors écoutez ce qu'elle a dit. Après avoir mangé son placenta, elle a déclaré « C'était le meilleur smoothie de ma vie parce qu'elle a mixé son... » Allez, pour vomir, c'est là. Elle a mixé son placenta congelé avec des fruits rouges et elle a rajouté « Je n'avais pas bu un smoothie aussi délicieux depuis mes 10 ans. » C'était mais... plein de calories, non. De jus et de fruits. Et elle a conservé des glaçons et le placenta dans son congélateur pour renouveler l'expérience. Je trouve que c'est la news la plus abominable du ça monde. Ça vomit là. Mais c'est abominable. Un smoothie de placenta. Arrête, pour mon prochain enfant, pour vos enfants... Voilà, ne jetez pas le cordon ombilical, faites-en une cravate pour le petit. Mais c'est mignon, c'est naturel, c'est bio. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Y'a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main. Si seules quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne. D'une main tendue, tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main.

les bons yeux de la dinde. C'est la bonne réponse, bravo Vasco. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Tu as gaulé ton chéri qui s'appelle Stéphane sur des sites porno dans les historiques. On appelle immédiatement. Tu veux que je lui parle tout de suite ou tu lui parles d'abord? Je vais te laisser faire comme ça. Voilà, je vais voir ce qu'il va dire. Courageux, c'est bien. Tu te fais passer pour quelqu'un ou c'est toi? C'est moi. Bah non, c'est moi-même. C'est quoi, il s'en charge? Alors, et je dois me charger de lui dire que tu sais, en fait. Oui. Bah, c'est ça, ouais. J'ai découvert le truc. Allô, Stéphane? Allô. Oui. Salut, c'est Coé à l'appareil. On est sur Énergie. Comment ça va, Stéphane? Oui. Ça va? Oui, la radio. Oui, on est sur Énergie, ouais, t'es en forme. Ça va, mais quand tu appelles les auditeurs, j'ai un peu peur là. Ah non, Stéphane, je vais juste te dire un truc. Stéphane? Ouais. Deux mots. Stéphane, trois. Trois. Elle sait tout. Elle sait tout. Fuis, cours. Elle sait tout. Stéphane. Qui sait quoi? Oui. Elle sait tout. Elle sait tout, Stéphane. Mais qui sait quoi? D'après toi. Stéphane. Stéphane. D'après moi? Oui. Arrêtons de rire deux secondes, Stéphane. La voisine, parce que je lui ai mis un mot dans la boîte à lettres parce que son chien gueule toute la journée, non? Non. Non, crois que Stéphane. Oh merde. Sandy. Est au courant. C'est tout. Ma chérie? Ah bon? Oui. Et elle sait quoi? Je te laisse réfléchir. Hein. Je te laisse. Attends de nous dire. Je te laisse, toi et ta conscience, pendant quelques secondes, Stéphane. ma conscience. Elle sait tout. Je sais pas, j'ai rien fait de spécial. Non, je vois pas. Stéphane ? Ouais. Elle sait. La voiture ? Le coup de la voiture, non ? Quoi, le coup de la voiture ? Oui, le coup de la voiture, ouais. Dis-moi. Il y a un enfoncement sur la voiture et j'ai dit que je l'avais retrouvé comme ça alors que. Alors, c'était pas ça, mais elle va être contente de le savoir. C'est pas ça, mais elle vient de la prendre. Là, ça rajoute. Autre chose. Vient de la prendre. Et elle écoute là ? Oui. Oui. Oui. Voilà. Oui, bon, bah maintenant c'est pour la voiture. La voiture, ouais, ouais. Voilà. Mais c'était pas ça. Ce n'est pas ça. Il y en a d'autres. Non, il y a. Non, il y a un autre. Ah, mais réfléchis. Réfléchis, quelque chose que tu fais seul et tu pensais qu'elle ne l'apprendrait pas parce que finalement tu es seul quand tu le fais. Enfin. Si, en théorie, seul. L'heure est grave. Je suis seul quand je le fais. Elle sait tout. Si je te dis, je rajoute un mot. Je rajoute un mot. Je veux bien, ouais, parce que je vois pas. Le mot qui a condamné beaucoup d'hommes sur cette terre. Oula, attention. Le mot. Historique. Historique. Le mot qui a créé des divorces. Le mot qui crée chaque jour des divorces, à chaque seconde. Historique. Ah, historique. Internet, Google. Oui. Catégorie. Ouais. Je suis féru d'histoire. Continuons. Bah, elle ne sait pas aller dans les historiques. Apparemment, elle l'a fait. Oui, Jeff. Fais un pyramide. Je sais faire ça. Trois mots. C'est ça, Sandy. Hein? Tu es dans l'historique de Google, tu sais faire ça. Oui, bah oui, tu sais comme quoi des fois, je suis pas très douée en informatique, mais là, j'ai réussi. Alors, ouais. Stéphane, je résume. Et alors, elle et sait elle tout. Dit quoi enfin... Historique. Historique, ouais. Internet. Historique, en trois. Hein, vraiment les tout derniers. Hein. Catégorie. Tout dernier. De ce ouais, matin. Je suis pas remontée loin. Je dirais catégorie. Toi tout seul. Interdit au moins de 18 ans. Pépita, procédé. Avion non. Tout ce qui concerne les matériels électroportatifs. Bien sûr, pour absolument, pour absolument. Non. Il est gêné là. Je dirais site de boule. De boule. Et c'est pas de la pétanque. Malencontreusement, peut-être, ouais, j'ai dû cliquer. Le fameux accident. Moi, ça j'ai glissé. Jeu, peut-être. Moi, ça m'arrive. Bien sûr, moi, j'ai glissé, mon doigt est tombé. Ah, j'ai ripé. Un spam. Stéphane, elle sait. Elle est au courant. Ouais, elle sait, elle est au courant. Ouais, bah, j'ai dû ripé. Non. Non, elle l'a vu plusieurs fois. C'est vrai ? Ouais. On tombe pas plusieurs fois sur la touche YouPorn avec sa tête. Parce qu'une fois, tu peux faire YouPorn, mais après, tu feras XYZ. Oui. Pas de ouais, non, mais après, c'est pour déconner avec les copains. Oui, oui. Il y a du 11h, 11h15, 13h20, 14h12. Ah, parce qu'il y a des horaires. Ah, oui, il y a tout. Vas-y, vite, il te reste 10 secondes pour t'expliquer ou t'excuser. Ouais, je sais pas. Tout le monde le fait, non, Koé, tu le fais. Ah, non, c'est ton histoire. Ne m'emmenez pas dans vos merdes, non. Non, j'ai déjà mes propres enfants. Moi, j'ai un contrôle parental sur moi-même que mes enfants m'ont mis. Non. Ah, voilà. Mais il pourquoi, a un contrôle enfantal. Sandy, est-ce que tu lui en veux ? Non, je lui en veux pas. Non, je lui avais rien de bien méchant. Et puis, bon, comme il dit, c'est pour discuter avec les copains. Oui, comme dit le slogan, allez pêcher les idées chez votre poissonnier. Voilà, c'est tout, bien sûr. Bah oui, à tout de suite. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie, tend toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse. Maman m'a dit, donne

Best of the Koï sur Énergie. Blind test. Allez, blind attention, test. Nous n'avons rien répété. Blind test, Miko. Il a préparé ça chez lui, c'est un blind test. C'est en rapport avec les trois cafés gourmands, il n'y a que de la bouffe dans les titres. D'accord. C'est vous qui jouez. À mon avis, ça va se passer entre toi et Jeff, parce que c'est des vieux titres. Hein. Ouais, c'est assez old school, on va dire. On commence. Allez, on balance le premier. Léo Molin Split. Non. Ah là là, les gars. Lève la main. Eh, mais du son, on entend rien. C'est bon. Coco, un point. Coco, un point, Coco, enchaîne. Un point. Deuxième son. Mathieu Bruel. Le titre. Habibi. Café Délice. Ouais, Café Délice. Excuse-moi, le titre, c'est pas Alibibibi. J'en suis baba. On dirait un site internet. Moi, je suis Alibibi. Mais il lève pas la main, tu dis rien, Coco. Il faut l'artiste ou le titre. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit Lio tout à l'heure. Non, vous levez la main. Voilà. On a levé la main. Arrête, tu cries. Et lève pas la main. L'artiste plus Coco, deux points. Coco, deux points, on continue. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Choc cacao. Oui. Alicordi. C'est le titre qu'on te demande. Tu monopolises la parole, tu parles. Tu lèves pas la main. Tu lèves pas la main. Écoutez, on en est à 3 points pour Coco. 3 pour Coco. On continue. Allez. La Qu'est-ce qu'il y a, Bordas? La SketchUp. Tu joues pas, toi? Non, tu joues pas. T'es pas dedans, t'es pas dans le groupe. Un point pour Stouff. On a dit on joue entre amis. On a dit entre amis. Entre amis. Toi, tu regardes. On continue, vite. Allez, on continue. Non, ça c'est ridicule, ça. Vous êtes ridicule, les trois. Je rêve. Non, je fais la même chose. Je crache. C'est moi. J'ai entendu Stouff. De toute façon, t'as tous les défauts. Tu craches, tu transpires, tu. Il a pas marqué de point, les vélos. Moi, je dis un point de Jeff. Un point de Jeff. Ah, moi j'avais entendu Stouff. Non, parce que Stouff elle a dit mettez un point de Jeff. Je ne veux plus de hurlements. Allez, on y va. Ouais, mais c'est quoi le titre? Viens pêcher la grande voile. Le sucré la grande voile. T'as des. Viens les crêpes au sucre à la grande voile. Il a dit le titre, Coco. Le sucre. À la fin de la grande voile. Il l'a dit au début, la c'était le sucre et. Et la tarte aux pommes. Non, le sucre et la pâte au sucre, t'as une pâte, t'as du sucre, t'as une crêpe au sucre. Non. Le miel et le sucre. Du citre au kilo. T'as toujours saoulé, moi, Garou, de toute façon, attends, le suivant. Le sucre et le sel. Le sucre et le sel. Voilà, le sucre et le sel. On n'a pas vendu ça. Non, celle-là, elle est pas connue. Le sucre et le sel, tu mets sa mère côte, elle aime bien. Et on se colle tous ensemble. Patrick Sébastien. Les sardines. C'est Jeff. Ça m'étonne à peine que Jeff ait reconnu les sardines. Allez. Voilà le grand moment. La merguez partie. Allez, c'est pour joli Stouff. Elle l'a dit calmement en plus. Ouais, il est vénère. Merguez partie. Je vais te bouffer, merguez. Il y en a encore ou quoi? Oui, il y en a encore. Et là, il chante. Bah, c'est Stromae. Moules frites. Oui, enfin, si t'entends les moules frites, tu dis c'est les moules frites. Tu l'as dit toi aussi, excuse-moi. Avec des coquillages. Sans fruits. Salade de fruits. Hein. Hey, vous avez plus vieux ou pas? Il y a que des chanteurs quasiment morts. Jeff. Salade de fruits. Non, mais sans rire. Cro-Magnon, je dirais dans sa grotte. On a plus vieux. Ah, qu'il est bon le mammouth. Une chanson. Non, on a plus vieux. Pas grand-chose à dire. Eddie Mitchell ici. Café noir, tu peux préparer le café noir? Oui. Et bah, dans un instant, c'est les trois cafés gourmands. Bravo. Et c'est Coé qui gagne. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shao est là. Je suis toujours resté le même, je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première sacelle. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffés, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Ah, c'est Yézou, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Ah, yeah. Ah,

tous, c'est Mickaël sur Énergie, 20h tout pile, on est là jusqu'à minuit. On est en décembre. Noël arrive. C'est une fête magique. On célèbre l'amour, l'amitié, la joie. Noël, c'est féerique. La joie, la bonne humeur, la famille. Toutes les nuits, ils sont là. Ils sont là. Mickaël, Tof, Polo et Amina. Ils terminent l'année en beauté. La vie est un combat. Une lutte entre le bonheur et le malheur a lieu. Tous les soirs, choisis ton camp. Tu aimes sourire et tu aimes rire. Tu es le bien. Bien. Tu es mauvais. Et tu te plains. Tu es le mal. Pressé de finir 2018. Une année mouvementée. Beaucoup de rire et d'amusement. Des problèmes et de grands moments. Oh, vous êtes génial. Ça se termine bien. Et heureusement. Sans conflit et calmement. Et pourtant, après avoir subi des problèmes, des changements d'horaire, de grosses galères, des changements de studio, des changements de pays, des galères d'argent, une expulsion, une révélation, l'année se termine. Mickaël et toute la team vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année sur Énergie. Twitter, Facebook et Insta. Mickaël officiel. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, les amis. 20h01. Je vous rappelle que tous les soirs cette semaine, on est là de 20h à minuit. On remplace Emeric qui est parti en vacances. Et je tiens vraiment à dédicacer cette émission à deux nouvelles amies. Trois, même, que je me suis fait cet après-midi sur, ça, c'est sur, cool, ça. Sur Facebook. Émilie, Gaëlle et Chantal qui est venue, hop, en plein milieu, comme ça, se mettre dans la conversation. Oh, bah, donc voilà, trois. Bah, là-bas, c'est Émilie. Hein. Gaëlle s'est ajoutée en plein milieu. Mais bon, bref, qui m'a scandalisé parce qu'on est des connards. Non, elle a pas dit connard, c'est vrai, c'est moi qui l'ai dit, que j'étais un connard, mais elle est scandalisée parce que on a été il y avait des messages, je me souviens plus de quoi exactement. Bon, bref, qu'on c'était un manque de respect. Vous savez, hier on a reçu trois énormes colis de Stéphanie qu'on embrasse d'ailleurs au passage, des chocolats, des parfums. Bon bref, il y avait un peu tout et n'importe quoi. Et donc Amina et Tof sont assez loin de moi, du coup les cadeaux les plus légers je les ai lancés. Amina, ça nous a fait un scandale, à croire que les gens n'ont rien d'autre à foutre. Ça nous a fait un scandale sur Facebook, pour aller voir hein, si vous voulez. Et comme quoi on était irrespectueux, que si, que ça, blablabla, blablabla, bla, bla. Et ben après je dis, ben ouais, mais attendez les filles, j'ai juste donné les cadeaux les plus légers, je les ai jetés, les autres je les ai passés. Oui mais même, je dis, en plus j'ai lancé que les trucs où je savais que c'était un chocolat. Oui mais même, ça reste de la nourriture, c'est un manque de respect. Bon après elles voulaient gueuler pour gueuler, donc elles ont gueulé, elles sont contentes. Je les ai invitées à passer l'antenne, mais malheureusement elles ont dit qu'elles ne voulaient pas faire monter l'audimat. Oh c'est je lâche. Je pense qu'elles sont un peu trop prétentieuses à ce niveau-là. Mais bon voilà, donc je suis. Est-ce que c'est un intérêt vraiment. Voilà. Ou c'est dans ça, ce cas on peut embrouiller tous les transporteurs. Hein, ah bah je les emmerde colis, hein. Justement, ouais. En parlant de transporteurs. Évidemment. Voilà. Donc je les embrasse et puis du coup ça nous a fait c'est bien, ça nous a fait pas mal de petits messages. Ah Gaël qui me dit l'arrogance dans toute sa splendeur, ce gars, aucun respect. Mais quel connard je suis quand même. Ah mais ça c'est, depuis le temps qu'on le dit, c'est pas un secret. Non mais là je m'en rends compte, vraiment compte quoi. Je suis vraiment un sac à merde. C'est vrai. Mais oui, mais... Oh là. C'est un déchet. Eh ben voilà. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est dingue. Enfin bon, Chantal aussi, on devrait t'envoyer promener toi et ton équipe de sous-fifres. Très bien. Le sous-fifre t'embrasse, t'emmerde. Petit chat. Non, moi je t'emmerde, c'est pas un sous-fifre. Je suis une star de la radio. Voilà. Mais qu'est-ce que bon. Tu fais avec un ballet, toi, là-bas qu'est-ce encore là un ballet, ouais. C'est le début de la pièce de théâtre. Ah oui, parce qu'on est en train de faire une pièce de théâtre avec Amina. Ça ne manquait plus que ça, tiens. Ça s'appelle le petit Christophe, d'abord. Le petit Christophe, du Brabant Wallon. Du Brabant Wallon, exactement. Bon, et donc voilà, donc bienvenue à tous. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Oui. Et c'est un peu décevant, tu vois, tu fais des vidéos pour faire plaisir à tout le monde. Il y a toujours des gens qui viennent te casser les burnes alors qu'ils n'ont pas suivi le quart de la moitié de l'émission, qui ne comprennent rien et qui viennent juste envoyer un message parce qu'ils ont vu un petit bout d'une vidéo. Mon Dieu, quel scandale! Bon, mais ça, c'est. Elle est triste, il voulait faire plaisir aux gens. Mais non, c'est vrai, tu fais des vidéos parce que nous, on se fait chier les faire, tu vois, au final. Tu viens de mettre le doigt sur un truc très important. Dit-il en mettant le fuck. Non, mais c'est vrai! C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça. Ça, c'est l'exemple typique, c'est les gilets jaunes. C'est-à-dire que ce sont des gens. Mais non, mais c'est vrai! À force de donner malheureusement la parole à tout le monde pense que. Ils ont un avis à donner parce qu'ils ont vu une vidéo sortie du contexte. Voilà, sortie du contexte, exactement ça. Et voilà. Juste petite parenthèse, moi qui ai eu la fameuse Stéphanie qui nous a offert tous les beaux cadeaux au téléphone. Merci Stéphanie. Ça l'a fait hurler de rire, elle était très contente qu'on fasse une vidéo sur ses cadeaux et ça l'a fait marrer. Et de après, ouf, du coup, je me suis embrouillé avec les meufs en disant mais attendez, mais la Stéphanie qui nous a envoyé les cadeaux était morte de rire, donc en fait, de quoi vous vous mêlez ? Je me mêle de ce que je veux me mêler. Bon, bref, alors voilà. Bon, écoute, mais tant mieux, ça veut dire que les problèmes de ces gens ne sont pas si graves. Et ben finalement. C'est cool finalement. Exactement. Et quoi qu'il en soit, ce sera pour terminer, après, on passera à autre chose. Comme je leur ai dit à ces trois filles, ces trois femmes, ces trois dames ou ces trois vieilles personnes, je ne sais pas. Quoi